Content que je voulais lui parler, je parle évidemment de Shane Gauthier parce qu'on voulait lui faire l'année et par la suite voir un peu comment que ça va dans les Canadiens. Non, on a appris qu'il a été blessé lors de la deuxième semaine d'activité. Je pense qu'il est revenu sur l'équipe d'entraînement. Quoi que la journée, on va prendre de ses nouvelles. Salut Shane! Salut! Shane, effectivement, tu as été blessé lors de la deuxième semaine d'activité, hein? Oui. OK. Calgary, ouais. OK. Comment c'est arrivé? C'est sur un botté d'envoi, un jeu d'unité spéciale? Non, c'était durant la semaine de pratique. OK. Durant l'entraînement, j'ai eu une blessure un petit peu. Je pensais être correct pour jouer le match. Puis finalement, pendant le match, je me sentais pas à l'aise. J'ai décidé d'arrêter au premier compte. OK. Et bon, par la suite, je pense que tu es revenu en fin de semaine, hein, peut-être pas dans l'équipe officielle, mais sur l'équipe d'entraînement. Oui, c'est ça. Ils m'ont rencontré vendredi passé pour me dire qu'ils me mettaient sur l'équipe d'entraînement. Ça faisait 7 games que je ne jouais pas dans le fond. Fait que je nécessite une remise en fond puis une remise à niveau aussi. Je suis au-delà de 50 pratiques en retard sur toutes les joueurs. Fait que j'ai besoin de temps pour reprendre le momentum. OK. Puis ça, c'est à peu près normal, quelque part. Là, parce que là, on arrive vraiment... Là, on dit souvent dans les Canadiennes, la vraie saison commence après les fêtes. À convaincre de l'action de grâce, pardon. Donc, ça va certainement t'aider à une bonne remise en forme puis d'arriver dans une situation de jeu. Là. Oui, c'est ça. Je suis sur l'équipe d'entraînement. Je sais pas ça va être quoi la suite des choses. Faut que je prenne ça semaine par semaine. Puis permettre à mon équipe de s'améliorer. Fait que c'est dans cette optique-là que j'entends chaque semaine. OK. Avant de parler des Bombers, j'aimerais te parler de l'équipe d'entraînement. C'est une équipe d'entraînement, évidemment, que tu évolues. C'est quoi la cédule d'une équipe d'entraînement? C'est quoi la vie d'un joueur d'une équipe d'entraînement? C'est exactement la même train de vie que les joueurs actifs. OK. On a les mêmes pratiques. C'est juste que nous, on sert plus pour montrer ce que les autres équipes font. OK. Et aider sur les unités spéciales pour les joueurs actifs aussi également. Okay. Et on fait exactement les mêmes choses que n'importe que toutes les joueurs. Donc, est-ce que les entraînements sont quand même, dans ton cas, est-ce que c'est un entraînement plus rigoureux pour qu'il y ait question, évidemment, de reprendre la forme le plus vite possible pour peut-être sauter sur le terrain? En fait, les entraînements sont pareils pour l'équipe normale. C'est moi, de mon côté, que je dois faire un petit peu d'extra après la pratique, puis dans les salles d'entraînement, lorsque j'ai plus de... OK. C'est une saison frustrante, Shane, pareil, hein, parce que je parlais avec Pascal Masson, qui est mon collaborateur pour les Alouettes, puis Pascal, il parlait de la réalité d'un joueur canadien. Il a joué dans la Ligue canadienne aussi, donc il connaît c'est quoi la réalité d'un joueur blessé. C'est une saison frustrante, puis à quelque part, tu joues dans un rôle où ce qu'il y a plusieurs joueurs canadiens. Là. Sur une unité spéciale, c'est un poste de Canadien. C'est pas comme si tu resterais un demi-défensif où tu pourrais prendre la place d'un Américain. Donc, c'est une saison un peu frustrante de ce côté-là, hein? Non, exactement. Surtout, ça va quand même bien du côté des unités spéciales dans les plus promeuses. C'est que, souvent, on entend dire tout le monde a sa chance. C'est que quand cette chance-là va venir, je passe mes bras à ce moment-là. OK. Shane, si on parlait maintenant des Bombers, quand Matt Nichols a pris la place du quart partant de Drew Whaley, l'équipe allait nulle part. Mais là, forcé d'admettre que Nichols fait tout un job, parce que les Bombers n'ont pas perdu depuis que Mike O'Shea a décidé d'y aller avec Matt Nichols. Oui, c'est certain que depuis le changement, l'équipe a un petit peu changé de visage. Je pense que ce que Mike O'Shea essaie de faire depuis 3 ans, c'est en train de bien se mettre en place. Je pense que on fait une bonne job sur les trois fonds du ballon. On aimerait ça peut-être mettre plus de touches du côté offensif, mais je pense que ça va venir dans les prochaines semaines. Les gars travaillent bien, on va espérer continuer sur une lancée comme ça. Shane, si on parlait maintenant de cette division-là, c'est une division extrêmement serrée dans l'Ouest. En fait, il y a juste Saskatchewan qui en arrache énormément. Les autres, avec vos récents succès, BC également qui va bien, Calgary qui est vraiment la meilleure équipe de la Ligue, Edmonton également qui vont bien, c'est pas gagné, là. Donc vraiment, c'est important. Puis probablement qu'il y a une équipe qui va traverser dans l'Est. Là. Oui, selon le classement, si ça continue à se maintenir comme ça, oui, ça devrait arriver qu'une équipe de l'Ouest fasse les séries du côté de l'Est. C'est certain que nos prochains matchs contre... Il nous reste un match contre Edmonton et Calgary, ça va être des gros matchs importants. Ainsi deux autres contre Colombie-Britannique à la fin de l'année aussi. Il nous reste, on va avoir une grosse fin de saison. Ah. Regarde, c'est sûr. Hey, comment tu trouves la vie de Winnipeg? Tu t'es pas mal adapté depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Oui, c'est une belle ville. Les partisans sont exceptionnels. depuis qu'on est sur le fait de la victoire, avec l'engouement, il est revenu. Puis, c'est une belle ville pour beaucoup de monde. OK. Shane Gauthier, on va se reparler à la fin de l'année. Le joueur de football, Shane Gauthier.